Section 7 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États, 1270-1492. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 2. La guerre de Cent Ans. Première partie, 1328-1380. Première sous-partie, Règne de Philippe VI, suite, par Alfred Coville. Reprise de la guerre générale. Tandis qu'il y avait ainsi trêve générale, des événements tragiques vinrent de nouveau compliquer la situation et hâter la reprise des hostilités. C'est d'abord l'exécution d'Olivier de Clisson, noble et gentil, chevalier de Bretagne, accusé d'intrigue avec les ennemis du royaume, jugé au Châtelet, puis pendu vilainement par les aisselles, novembre 1343. La veuve de Clisson, Jeanne de Belleville, figuière privée au roi, à Charles de Blois, équipa une flotte et se joignit à Jeanne de Montfort. Puis se déclara la félonie de Godefroy d'Harcourt en Normandie. Bien des récits fantaisistes ont été faits à ce sujet. Ce Godefroy était un grand banneret et de grand lignage, frère du comte d'Harcourt et sire de Saint-Sauveur-le-Vicomte, et de plusieurs villes en Normandie. Une rivalité pour un mariage le mit en guerre privée avec un des puissants seigneurs du pays. Malgré la défense royale, il fit acte d'hostilité. Aussitôt, son château de Saint-Sauveur est occupé par les troupes royales. Il est accusé de complot avec l'Angleterre, obligé de s'enfuir. Condamné au bannissement, ses biens confisqués par arrêt du 15 juillet 1344, il va lui aussi à la cour d'Angleterre faire hommage à Édouard III. Cette défection décida les Anglais à reprendre la guerre. Après des fêtes magnifiques à Windsor, après un nouveau défi, une triple attaque fut préparée par la Guyenne, la Bretagne et la Flandre. Le gros effort fut fait à la frontière de Guyenne, où le comte de Derby remporta un succès important à Auberoche, le 21 octobre 1345. Édouard III parut lui-même en Flandre. À sa descente à l'Écluse, il trouva Hartevelde qui, déjà moins populaire, venait, par crainte de l'avenir, s'enfoncer encore dans l'alliance anglaise. Le capitaine de Gand cherchait à déposséder la maison de Nevers en faveur du prince de Galles. Les villes flamandes ne voulaient pas le suivre. Les métiers s'agitaient à Gand. Au retour d'Hartevelde, une émeute éclata. Il y trouva la mort le 24 juillet 1345. Deux jours après, Édouard III se retirait. L'année 1346 devait être capitale. Il y avait eu grande attaque au sud l'été précédent. C'est là que le roi de France, à l'entrée de la nouvelle campagne, porta d'abord son effort principal. Au mois de mars, Jean, duc de Normandie, avec une grosse armée, se mit en marche. Les Anglais se concentrèrent dans la place très forte d'Aiguillon, entre le Lot et la Garonne. Le siège dura d'avril à la fin d'août et fut inutile. Édouard III voulut aller lui-même porter secours à ses hommes en Guyenne. Il fut détourné par Godefroy d'Harcourt, qui lui vanta les avantages d'une diversion en Normandie. Le 12 juillet 1346, l'armée anglaise débarquait à Saint-Wast de la Hougue. Les deux armées. Les grandes opérations sont commencées. Toute la supériorité militaire est du côté des assaillants. Édouard III a créé une sorte de service militaire obligatoire. Il a organisé une infanterie. Il a proscrit les tournois ridicules et inutiles, développé les exercices de tir qui ont formé les admirables archers anglais. L'armée d'invasion a été faite des hommes les plus solides. On y voit surtout des archers, armés d'arcs en bois d'if, à tir quatre fois plus rapide que l'arbalète française. Des coutiliers, grand marcheur, armé d'une sorte de baïonnette, qui se glisse entre les chevaliers et les met hors d'état de se défendre. Les hommes de pied font les 4/5 de l'effectif. C'était, pour l'époque, une puissance militaire très perfectionnée. La France est dans des conditions déplorables. Le recrutement n'est pas assuré. Les uns esquivent le devoir du service militaire en payant une taxe en argent. Les autres ne marchent que si le roi les paye. La noblesse, désormais soldée, fait tous ses efforts pour écarter les non-nobles des armes. Les communes sont exemptes par charte de tout service. La plus grande partie du royaume a perdu l'habitude et l'expérience des armes. L'armement est, du reste, très inférieur, très arriéré. Lance énorme pour les nobles, arbalète compliquée pour les mercenaires à pied. Tout le poids de la guerre retombe sur une noblesse prétentieuse, romanesque, méprisant la piétaille, c'est-à-dire l'infanterie, répugnant à toute tactique. Elle combat à la guerre comme en champ clos. Elle ne sait ni s'éclairer ni s'arrêter. Elle est marquée pour la défaite. Crécy. Édouard III, débarqué, s'avança tranquillement par la Normandie, jouissant et faisant jouir ses hommes de cet admirable et plantureux pays qui, depuis si longtemps, n'avait pas vu de guerre sérieuse. Le 25 juillet 1346, il était devant Caen, ville grosse et riche, rivale de Rouen, mais sans défense continue. Froissart accuse les bourgeois d'avoir manqué de courage. Tous les autres témoignages prouvent le contraire. Bien que leur ville n'eût pas de murailles, les habitants résistèrent. Là eut grande bataille et merveilleuse. 2000 bourgeois furent tués, si que les rues étaient couvertes de gens morts. La ville fut en partie pillée. Philippe VI était sur les bords de la Seine, attendant la bataille. Édouard III la refusa. Le roi d'Angleterre trouva moyen de passer le fleuve à Poissy, malgré la rupture du pont, grâce à une ruse grossière qu'accepta son crédule adversaire. Il s'échappait tranquillement d'une aventure téméraire, tandis qu'on voyait de Paris les feux de son armée. Philippe VI crut encore une fois tenir son ennemi à l'embouchure de la Somme. Le gros de l'armée française était à Amiens. Les Anglais étaient acculés à la mer, au sud de l'estuaire. Tous les passages étaient gardés. Mais quand le roi de France arriva pour combattre, Édouard avait disparu. Un guet, connu seulement des gens du pays, lui avait été révélé par un valet. Au soleil levant, l'armée anglaise passa et culbuta un corps français qui surveillait l'autre rive. Cependant, la bataille était inévitable. Elle eut lieu quelques jours après, à Crécy-en-Ponthieu. La veille, Édouard III fit bien reposer ses troupes. Le 26 août, Philippe VI, dans le brouillard du matin, ne pouvait trouver l'ennemi. Les Génois firent 6 lieues tout armés. L'armée entière était fatiguée. On avait décidé d'attendre au lendemain. Mais l'élan emporta les hommes d'armes, la cavalerie noble, qui poussait par derrière les gens de pied, les gens du commun. On dut forcer les Génois à combattre. Par surcroît, il y eut d'abord des averses, puis un soleil aveuglant. Les canons des Anglais, bien inoffensifs encore, jetèrent un grand trouble. L'armée française ne fut bientôt qu'un pêle-mêle confus où les coutiliers anglais s'insinuaient et tuaient à merci. Cela dura jusqu'à la nuit. Froissart parle de 11 princes, 80 bannerets, 1 200 chevaliers, 15 000 écuyers et hommes de pied tués. Parmi les morts était le roi aveugle de Bohême, Jean de Luxembourg. On fut obligé d'arracher le roi de France au combat. Il se réfugia dans un château voisin, séparé de son armée, et regagna Amiens. Édouard III continua sa route jusqu'à Calais. C'était la première des 3 grandes défaites de la guerre de Cent Ans. Calais. Édouard III est vainqueur, sauvé et libre. Il entreprend le siège de Calais dont il sait toute l'utilité pour lui. Il a juré de ne pas partir avant de l'avoir prise et, pour son armée, il fait construire une véritable ville auprès de la forteresse toujours fermée. Calais était défendu par Jean de Vienne, qui, pour résister plus longtemps, fit sortir 17 000 femmes et enfants. Cet énergique capitaine était décidé à se défendre jusqu'au bout. mais il supplia le roi de France de venir le délivrer. Robert d'Awesbury nous a conservé une lettre de lui, tombée aux mains des Anglais, qui est admirable. « Mon très cher et très doux seigneur, écrit-il à Philippe VI, sachez que, comment que les gens sont tous sains et saufs, mais la ville est à grande défaute de blé, vin et chair, car sachez qu'il n'y a de rien qui ne soit tout mangé, et les chiens, et les chats, et les chevaux, si que de vivres nous ne pouvons plus trouver en la ville, si nous ne mangeons chair de gens. » Car autrefois vous avez écrit que je tiendrais la ville tant qu'il y aurait à manger. Si sommes à ce point que nous n'avons donc plus de vivres. Si nous avons pris accord entre nous, si n'avons en bref secours que nous issions hors de la ville tous à champ pour combattre, pour vivre ou pour mourir. Car nous avons mieux mourir au champ honorablement que manger l'un l'autre. Le roi comptait sur une diversion des Écossais. La reine Philippe d'Angleterre remporta, le 17 octobre 1346, à Neville Cross, une grande victoire. Le roi de France voulut tenter au moins un grand effort par terre. Rendez-vous fut donné à Amiens pour la Pentecôte de 1347. Les nobles ne voulaient pas de gens de commune, leur attribuant le désastre de Crécy. Cette armée de 60 000 hommes de troupes féodales, de 24 000 hommes de pied, resta 2 mois impuissante à Amiens et à Arras. S'étant approchée à l'appel désespéré de Jean de Vienne, elle s'embourba dans les marécages. Il y eut négociation, puis défi. À la fin, le roi de France se retira brusquement. Sûr de l'avenir, aidé des Flamands, Édouard III conduisit le siège avec ardeur. Ni un oiselet ne s'en put partir qu'il ne fût vu et connu et arrêté. La ville était perdue. Le 3 août, 6 bourgeois vinrent en chemise apporter les clés au roi d'Angleterre. À leur tête était Eustache de Saint-Pierre. Bréquigny, à l'aide des pièces retrouvées à Londres, a cru découvrir des traces de faveurs compromettantes accordées par Édouard III aux courageux otages, et surtout à Eustache de Saint-Pierre. Les fêtes sont très obscures. En tout cas, après 6 mois de siège, la ville fut évacuée. Il y resta 22 bourgeois. Frossard dit même 3 seulement. Les hôtels furent donnés aux chevaliers anglais. Des bourgeois vinrent d'Angleterre. Quant aux gens de Calais, le roi de France, qui n'avait pu les sauver, leur fit de grands dons et leur distribua les offices vacants. Au même moment, en Bretagne, tout allait mal pour la cause française. Charles de Bois ne put poursuivre ses succès. En 1345, son adversaire, échappé du Louvre, mourait à Hennebon. Mais la guerre continuait plus que jamais. Une armée anglaise arrivait. Elle fut victorieuse à Cadoret. Une seconde rencontre eut lieu à la Roche de Rien. La bataille dura 2 jours. Charles de Blois, couvert de blessures, fut pris, emmené en Angleterre. La cause française était compromise pour longtemps. Des trêves vinrent apporter un repos nécessaire. Elles furent conclues devant Calais, le 28 septembre 1347. Malgré de fréquents actes d'hostilité sur les frontières, des surprises, des défis, des ruptures partielles, elles durèrent plusieurs années. Philippe VI mourut avant qu'elles fussent définitivement dénoncées. Première conséquence de la guerre. Ainsi, la guerre est commencée depuis plus de 10 ans. On peut déjà juger de ses effets et prévoir ses premières conséquences. Depuis le début jusqu'à la reprise générale des hostilités en 1355, presque tout l'ouest du royaume a vu passer les bandes anglaises et françaises et subi leurs ravages. Les preuves abondent pour la Flandre, l'Artois, la Picardie, une partie de l'île de France, la Normandie, l'Anjou, la Bretagne, le Poitou, la Saintonge, le Périgord. Ce n'est encore qu'un commencement. Mais déjà bien des ruines ont été faites. Par exemple, en 1339, les Anglais descendirent au Tréport et la ville fut arse. Une partie de Boulogne-sur-Mer eut le même sort. C'est cette même année que le roi d'Angleterre fit sa première tentative d'invasion. Au nord, il pénétra dans la Thiérache très cruellement et hardi, pilla et gasta le pays. Ces incidents se répétèrent presque chaque jour sur la frontière de Flandre. Les Flamands s'entendaient à merveille à piller, à faire main basse sur tout ce qui se pouvait emporter. En 1346, ce fut beaucoup plus sérieux. Édouard III trouva en Normandie un pays admirablement riche. Son armée fit une vaste razzia de Saint-Ouast à Poissy. À l'instance de Godefroy de Harcourt, qui le menait, il commença à gâter et à hardir le pays. À 40 ans, tous les biens qu'il y prit fit mener en Angleterre. À Caen, à Recordé, dit Froissart, la persécution, l'occision, la violence et la grande pestilence qui a donc fui, c'est une pitié et grande horreur à penser comment chrétiens peuvent avoir plaisance ni conscience de ainsi les uns les autres détruire. Ce sont encore des incendies à Pont de l'Arche, à Vernon, à Melun, à Saint-Germain-en-Laye. On voit les flammes de Paris. Cela continua ainsi à travers la Picardie, l'Artois, jusqu'à Calais. Les années suivantes furent aussi malheureuses. À partir de 1347, Édouard III a affermé la Bretagne en son lieutenant Thonas de Dagworth, qui, à son tour, concéda le pays par morceaux à des aventuriers. Ainsi se forment les premières bandes errantes que les ennemis prennent à leur solde pendant les campagnes et qui restent sur le pays à piller et rançonner pendant les trêves. Mais ce n'est là qu'une partie des maux de la guerre, peut-être la moindre. Ce qui est plus général, partant plus grave, ce sont les charges financières. On ne saurait les énumérer toutes. Jusqu'alors, la royauté vivait des revenus de ses domaines. Du temps de Saint-Louis, dont Philippe VI prétendait faire revivre les sages établissements, ils avaient donné des excédents considérables et permis la constitution d'une réserve. Mais sous Philippe de Valois, les charges ordinaires se sont multipliées. Les institutions royales se sont développées. Les gages d'officiers ont augmenté. C'est tout juste si les revenus ordinaires suffisent. Dès que les hostilités ont commencé, on peut constater que les taxes sur les Lombards, la traite des marchandises portées hors du royaume, la traite des laines, l'exploitation des forêts ne rapportent presque plus rien. Vienne la guerre, et une guerre longue, multiple et coûteuse, comment y faire face ? Il devient nécessaire d'inventer une foule de ressources extraordinaires qui appauvrissent et irritent les sujets. Le gouvernement royal établit tout d'abord des impositions, aides ou subsides. De 1335 à 1355, de telles impositions sont levées presque tous les ans. Elles sont tantôt consenties par les États généraux, tantôt arrachées aux États provinciaux, tantôt même exigées par le roi sans autre forme de procès. Elles présentent une extrême variété. Imposition indirecte sur le prix de toutes les marchandises vendues, somme fixe promise au roi et levée pour une fois au gré de la province ou de la ville qui octroie. Taxe directe levée sur les feux, c'est-à-dire sur les familles. À cela s'ajoutent les inventions d'un autre genre. En 1338, réduction d'un an sur tous les traitements. La gabelle, monopole du sel, qui durera jusqu'à la fin de la monarchie, apparaît en 1341. Le clergé doit payer lui aussi des contributions spéciales, en outre de ce qu'il octroie aux États généraux et provinciaux comme propriétaires du sol. Ce sont les décimes dont tout le poids retombait en fin de compte sur les habitants des domaines ecclésiastiques. Depuis 1338, de deux ans en deux ans, le pape accorde au roi, pour les besoins du royaume, la dixième partie du revenu des églises. Le pape protestait et cédait toujours à la déshonneur et confusion de toute la chrétienté et de Sainte Universale Mère Église. Et cependant, il semble presque que ces charges fussent légères auprès de celles que causaient les altérations des monnaies. États généraux et provinciaux. C'est aux États généraux et provinciaux qu'il est nécessaire de demander l'argent qui manque dans les caisses du roi. Sans leur consentement, rien ne se paie, et pour l'obtenir, il faut passer par leurs exigences. Dès 1338, la Normandie a fait établir par charte que, sauf le cas spécial d'arrière-ban, elle n'est obligée de fournir aucun subside extraordinaire. Le roi, ne pouvant contraindre, doit solliciter. À partir de 1340, les résistances encouragées par l'exemple des Normands se multiplièrent. Cette année, les bonnes villes de Vermandois ont été appelées à Pontoise pour convenir de l'établissement du Malton. Les députés de Reims montrèrent de mauvaises dispositions. Ils furent renvoyés dans leur cité. Quelques années après, en 1346, il y a plus que de la mauvaise volonté. Il y a refus manifeste. Les États cherchent à tirer parti de la situation, à poser des conditions, à obtenir des réformes. La France est alors menacée d'une double invasion. C'est l'année de Crécy. Le roi convoque à Paris les députés de la langue d'Oïle par des lettres pleines de pitié et de bonnes promesses, ce qui cachait mal une nouvelle demande de subside. Il y eut de longues délibérations. Les gens des États craignent que l'imposition des marchandises et la gabelle soient incorporées au domaine et qu'elles durent à perpétuité. La requête royale ne fut pas accordée. Les députés demandèrent à retourner dans leur pays. Mais si les États n'ont rien octroyé, ils ont demandé beaucoup. Ils ont apporté des griefs et le roi, qui a besoin d'eux, prend tous les engagements de réforme qu'on lui demande dans une ordonnance en 12 articles sur les prises, les sergents, la justice, les emprunts, etc. On peut juger combien la guerre a enhardi les gens des États. Après Crécy, après Calais, ils sont de plus en plus tentés de se substituer à cette administration royale dont ils ont tant à se plaindre. Une assemblée générale est convoquée à Paris le 30 novembre 1347. Malgré les instructions du roi, elle n'est disposée à rien conclure, à rien accorder. Il faut la remplacer par une série d'États provinciaux. Quelques-unes de ces réunions sont très importantes. Les États de Normandie se tinrent à Pont-Audemer en mars 1348. L'accord se fait entre le roi, ou plutôt son fils, le duc, et ses sujets, mais à quel prix? Un subside de 450 000 livres tournois, destiné à la conquête de l'Angleterre, est accordé. Mais toutes les autres charges cesseront pendant ce temps. L'administration du subside sera confiée aux gens de la province. La levée se fera par eux. Il y aura une administration locale, par bailliage, avec un représentant de chacun des trois États. Il y aura une administration centrale à Rouen, composée de la même manière. Les députés des États établiront, recevront et vérifieront le subside. Il en fut de même en Vermandois. Les États ont obtenu que le pays soit divisé en 5 régions. Dans chacune, il y aura 3 députés, 3 élus, un de chaque ordre, pour administrer le subside. Les élus établiront les collecteurs, receveurs et sergents. Ils auront une juridiction. Le receveur général, désigné par les États, rendra ses comptes aux élus, qui ne rendront compte à personne. Les recettes seront distribuées par les conseils, avis et ordonnances des gens du pays des États. Ainsi, le gouvernement royal est à peu près annihilé. L'usurpation est manifeste. Il faut du reste bien retenir ces faits. Les États du règne de Jean le Bon, dont on a tant fait ressortir les audaces, ne feront rien de plus hardi en matière financière. Montpellier est le Dauphiné. Le gouvernement de Philippe de Valois n'a cependant manqué ni d'activité ni de bonnes intentions. Les documents financiers témoignent d'un grand zèle pour mettre partout ordre et régularité. Quelques ordonnances détaillées, sans avoir l'ampleur de celles de Philippe le Bel ou de Philippe V, s'efforcent de réformer et d'améliorer l'administration royale. Et surtout, deux grandes acquisitions territoriales furent faites, Montpellier et le Dauphiné. Montpellier était une des plus grandes cités du Midi. Par ses écoles et par son commerce, elle rivalisait avec les villes d'Italie. Déjà, Philippe le Bel, en 1292, s'était habilement substitué à l'évêque de Maguelone, qui possédait directement une partie de la ville et étendait sa suzeraineté sur le roi de Majorque, maître du reste. En 1349, Philippe de Valois acheva ce qui avait été commencé. le roi de Majorque avait perdu son royaume. Pour le recouvrer, il avait besoin d'alliances et d'argent. Il vendit au roi de France ce qu'il possédait de Montpellier. Depuis longtemps, les rois de France avaient tenté de s'annexer le royaume d'Arles. Philippe de Valois fit, de concert avec Jean de Luxembourg, roi de Bohême, des projets et des préparatifs pour porter ainsi son royaume du Rhône aux Alpes, sans plus de succès que ses prédécesseurs. Or, le Dauphiné formait près de la moitié du royaume d'Arles. Le dauphin était Humbert II. Ce prince trouvait trop modeste le rôle qu'il était appelé à remplir dans le Dauphiné, où il essayait, sans y réussir, de jouer au souverain magnifique et magnanime. Après de nombreuses et vaines tentatives, en 1333, la politique française mit la main sur la ville de Vienne, si grande par ses souvenirs romains et chrétiens, si importante par la situation au milieu d'un des plus étroits défilés de la vallée du Rhône. L'archevêque, au mépris de ses serments, conclut avec le roi de France un pariage qui livrait à Philippe VI le château de Sainte-Colombe. Le dauphin et le chapitre ne purent résister efficacement. Tout au moins, Humbert II espérait-il encore en l'empereur Louis de Bavière. Le Dauphiné est en terre d'empire. Le 23 décembre 1336, l'empereur et le roi de France font la paix. Humbert a perdu son fils. Il est désintéressé de l'avenir. Il veut vendre ses biens à fonds perdu. Il les offre au roi de Sicile, qui trouve l'offre trop chère. Un instant, le dauphin espéra, au milieu de nouvelles intrigues, restaurer à son profit le royaume de Vienne. Ce fut sa dernière illusion. Personne n'était disposé à soutenir ses grandes espérances. Les créanciers du dauphin se multipliaient et s'exaspéraient. Il fallait vendre le Dauphiné, et il n'y avait qu'un acheteur possible, le roi de France. Au début de 1343, une convention fut conclue. Si Humbert n'a pas d'héritier, le Dauphiné reviendra à un fils cadet du roi de France. Humbert recevra un capital de 120 000 florins, plus une rente viagère de 20 000 florins. Le Dauphiné devait garder son autonomie, son nom et ses armes, le tout sans préjudice des droits de l'Empire. Un tel traité était encore imparfait. C'était moins une réunion que l'établissement d'une maison capétienne dauphinoise. Un acte du 11 avril 1344 donna le complément nécessaire. Le Dauphiné sera aux mains du fils aîné du roi, de son héritier. Si Humbert eut des regrets, il les alla dévorer en Orient à combattre les infidèles. Fin de la section 7.